بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل يجوز استصحاب الصبي الصغير المشوش إلى المسجد؟ وما رأي فضيلتكم في قصة الحسن والحسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوبهما ظهره الشريف في أثناء الصلاة؟ Ils ont demandé à Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah sur le fait d'emmener un enfant bruyant au masjid. Est-ce que c'est permis? قال Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah: استصحاب الصبيان الذين يشوشون في المسجد لا يجوز. هذا c'est pas permis. C'est pas permis d'emmener son fils au masjid si cet enfant il est bruyant. Il va perturber les autres, imma en parlant, imma en courant ou autre. قال شيخ ابن عثيمين: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه حين سمعهم يصلون ويجهر بعضهم على بعض فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. هذا سبيل القرآن. Et dans l'autre hadith, لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. T'as pas le droit de déranger ton frère في المسجد avec ta lecture du Coran. Maintenant, on est plusieurs films jid et un âge, je récite à voix haute et ça vous dérange. Hada la yajouz. Pourtant, c'est du Coran que je récite. Hada, c'est un istidlal qawi de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, pour montrer anna, si c'est autre qu'avec le Coran. Au masjid, on va déranger nos frères qui font salat ou qui révisent ou qui lisent ou qui ont un cours. Hada la yajouz. Qala, rahimahullah, ou qala fi salat. فإذا كان منهيا عن هذا في القراءة فما بالك بمن يأتي فيعبث ويصرخ ويركض ويجيء ويذهب. Que dire de cet enfant que ربما il va crier, il va parler, il va courir, il va sauter, il va... Ceux qui ont déjà assisté à هذا يعلمون أن فيه إزعاج. Ça dérange tout le monde. قال أما إذا كان الصبي يمتثل أمر والده أو أمر أخيه ولا يتكلم ولا يشوش فلا بأس بحضوره المسجد. أما si c'est un enfant calme qui écoute, les enfants arrivent ربما un jour ils se déplacent ou ils disent une kalima, لكن il écoute et il n'est pas bruyant à la base, فهذا يا أكمل. قال فلا بأس بحضوره المسجد ولا ينبغي لأحد أن يخرجه من المسجد. Dans ce cas, c'est pas permis de le faire sortir du masjid. Si l'enfant il est calme, il est à sa place, falhamdulillah. قال ولا أن يتكلم مع وليه لأن وجود الصبيان في المساجد يجعلهم يألفون المساجد. Et ça c'est une ni'ma. Cet enfant il va aimer le masjid. خاصةً si les gens ils sont souriants avec lui et ils ne lui disent pas des mots blessants, ils ne le font pas sortir, falhamdulillah. قال ويحبونها ويحبون أهلها وهذه مصلحة كبيرة. Cet enfant, il va grandir avec هذه المحبة. Il va aimer les masajid et il va aimer ceux qui vont au masjid. Contrairement à si on a un mauvais comportement avec les enfants au masjid alors qu'ils n'ont rien fait, ربما ils vont détester le masjid et ceux qui vont au masjid. Et on a une autre précision, on a l'enfant bruyant, mais أنه il va déranger les autres, كذلك le père, il ne sera pas concentré في الصلاة. Il va être dans le rang, dans le salat, et son enfant, il court. Son enfant, il crie. Alors, chacun d'entre eux, il ne sera pas concentré. L'enfant, il reste à la maison. L'enfant, ce n'est pas une obligation pour lui, le masjid, ce n'est pas encore une obligation pour lui, en salat, tant qu'il n'a pas atteint un certain âge. Si c'est pour l'habituer, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, s'il est calme, il a akhir, il fait tayyib, ou illa s'il est bruyant, il y a douze. Kadhalik, autre chose, s'il est petit, et il n'est pas encore propre. Et ربما le fait qu'il aille au masjid, il peut salir le masjid. Hada la yanbaghi. La yanbaghi. S'il n'a pas l'âge du masjid, s'il est bruyant ou il peut salir le masjid, il reste à la maison. Autre point qu'on peut citer, ba'dhum, ils font une erreur, où il est très très petit et ils le font rentrer dans le rang. Et il est petit, il ne sait pas où. Peut-être qu'il s'avance, il recule, il parle, il se retourne. Ben, on a déjà vu des enfants, en plein milieu de la raka'a, ils quittent le rang. Et ça fait un trou dans le rang. Hada la yanbaghi. Celui qui emmène son enfant, s'il est calme, il est petit, c'est pas se tenir dans le rang, il le met devant lui. Il le met devant lui, hatta il le voit, et tu fais salat. Le mettre dans le rang, il est très petit, il ne sait pas coller les pieds avec son voisin, Obama, il sort du rang, tant qu'il ne sait pas se tenir dans le rang, ce n'est pas sa place. قالوا أما قضية الحسن رضي الله عنه حينما ارتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فما ذكر في القصة أنه كان يشوش أو يشغل المصلين، ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدع صبيا يشوش على الجماعة. أما l'argument de comme quoi الحسن رضي الله عنه يعني الحسين monté sur le dos du prophète صلى الله عليه وسلم، فكما قال شيخ ابن عثيمين dans le hadith on n'a pas أنهم ils faisaient du bruit, ils étaient bruyants, أنهم ils gênaient les autres. لا، ils montaient sur le dos du prophète عليه الصلاة والسلام et sans gêner les autres. Si ton enfant il te touche maintenant pendant la sala et ça ne dérange pas les autres, voilà, ben c'est un enfant. Mais si ça dérange les autres, فهذا لا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات ونكتفي بهذا والحمد لله.